Le clavecin de Marie-Antoinette par Adolphe Adam. C'était un bel et noble instrument que ce superbe clavecin. Lorsqu'il passa de l'atelier dans la royale demeure pour laquelle il avait été fabriqué, il avait trois claviers de 4 octaves et demie, avec de belles touches en ivoire et en ébène. Il avait plusieurs jeux qui ont modifié le son à volonté. Comme il résonnait dans sa superbe enveloppe de laque dorée, comme il paraissait fier des riches peintures dont il était orné. Le plus magnifique instrument sorti des mains habiles d'Erard ou de Pleyel ne recevra d'autres ornements que ceux que pourront fournir l'ébéniste ou le doreur sur cuivre. Alors, les artistes les plus célèbres, Boucher, Bandelot, ne dédaignaient pas de couvrir de peinture les parois intérieures d'un instrument de musique, et l'on voit souvent, dans les cabinets des amateurs, des peintures sur bois qui ont survécu aux meubles dont elles faisaient partie et dont elle formait quelquefois la plus grande valeur. Ce n'est pas qu'alors il n'y eut déjà des pianos à Paris, mais ces instruments, presque dans l'enfance à cette époque, appartenaient la plupart à des artistes de profession, et n'étaient pour les amateurs qu'un objet de curiosité et jamais de luxe. Le clavecin profitait des derniers jours de sa gloire, et semblait regarder avec dédain l'humble rival qui, encore réduit à sa forme mesquine et carrée, devait un jour le détrôner entièrement. C'était donc un clavecin qu'on avait fait faire pour Madame la Dauphine. Elle était allemande, on la savait musicienne, et on lui donna l'instrument le plus parfait que l'on pût fabriquer. Pauvre beau clavecin, tu existes encore, mais non plus dans le palais d'un roi. Si de temps en temps tu fais résonner tes sons aigres et criards, que l'on trouvait si pleins et si beaux dans ton jeune temps, si la main débile d'un vieillard, toi qui devais ne servir qu'au plaisir d'une reine, et cependant, plus d'une main habile s'est promenée sur tes touches délabrées. À peine peux-tu exhaler de maigres sons, mais si tu pouvais parler, nous redire le temps de ta gloire, alors que Gluck, l'immortel Gluck, que protégeait ta royale maîtresse, vint à la cour de son ancienne écolière, pourrait raconter les ricanements de cette troupe dorée d'inutiles de Versailles, en voyant que la jeune reine honorait un simple musicien plus peut-être qu'un des leurs. Te rappelles-tu la première entrevue du grand homme et de la jeune reine? Lorsqu'on annonça Monsieur le chevalier Gluck, la reine se précipita vers le compositeur en s'écriant « Ah, c'est vous, c'est donc vous, mon cher maître !» Et le bon gras allemand de sourire et reconnaissant à peine l'élève qu'il avait quitté enfant « Oh, madame » dit-il avec son accent tudesque, « que votre majesté est devenue grassière depuis que je l'ai vue !» À la franchise de ce germanisme, la reine était effectivement engraissée, le flegme des courtisans ne put y tenir. L'étiquette fut un moment oubliée, on osa rire. La reine partagea la gaieté générale, mais bientôt, voyant la confusion du pauvre compositeur, qui ne se doutait seulement pas qu'il eût dit une sottise, et qui cherchait partout qui pouvait faire naître ce faux rire, « Messieurs, dit-elle avec cette grâce enchanteresse qui ne la quitta jamais, vous serez sans doute charmés de faire connaissance avec un de mes compatriotes, dont l'Allemagne s'honore à juste titre. Il parle très mal français. Il est vrai, mais il possède un langage bien autrement éloquent et que l'on comprend dans tous les pays. Allons, mon bon maître, ajouta-t-elle en conduisant le musicien au clavecin, un petit souvenir de Vienne. » Gluck comprit alors qu'il avait une revanche à prendre. Ses yeux s'animèrent de ce feu de génie qui le possédait si souvent. Il lança un regard sur le groupe des courtisans, puis laissa ses doigts courir sur l'instrument. C'était d'abord quelque chose de vague et dont il était difficile de se rendre compte. On remarquait parmi ces accords heurtés, sans mélodie sur le point de naître, et interrompus, tout d'un coup, par une nouvelle idée. Peu à peu, tout s'éclaircit. Le visage de Gluck rayonnait d'un feu divin. Il ne voyait plus où il était. Il avait commencé devant la reine. Il continuait comme chez lui. Un mouvement de valse, de ce rythme vigoureux qui n'appartient qu'aux Allemands, se fit bientôt entendre. La reine avait peine à contenir deux larmes qui roulaient dans ses beaux yeux, car avant tout elle tenait à paraître française de cœur, elle savait qu'on l'avait surnommée l'Autrichienne, et elle aurait voulu oublier son pays. Elle aurait cependant pu pleurer en liberté, on ne l'aurait pas remarqué. L'attention des ducs, marquis et autres assistants était tout absorbée par ces accords sublimes, dont la pâle musique française, la seule qu'ils eussent entendue jusque-là, ne leur avait jamais donné l'idée. Ils comprenaient un art pour la première fois. Leur extase durait encore que Gluck ne jouait plus. De grosses gouttes de sueur coulaient sur son large front. Il semblait sortir d'un songe pénible. Il fut quelques instants à se remettre. La reine le remercia en lui disant bien bas, dans sa langue maternelle, « Merci, merci, mon bon maître. Oh, vous êtes bien vengé !» Puis le bon Allemand se retira, et les grands seigneurs s'inclinèrent quand il passa près d'eux. La noblesse crut cette fois ne pas déroger en rendant hommage au génie puissant qui venait de se révéler à elle. Que d'autres scènes, bien autrement intéressantes, nous feraient connaître le vieux clavecin? Comme il nous les raconterait bien mieux que je ne puis le faire, moi, chétif, qui, grâce au ciel, ne suis pas d'âge à avoir vu toutes ces merveilles. Mais j'ai vu le clavecin, il y a de cela peu de jours, et je dois vous raconter maintenant comment et où j'ai retrouvé ce débris de notre monarchie. J'allais dernièrement à l'hôtel des Invalides rendre visite à un ami, un ancien officier supérieur que j'avais perdu de vue depuis longtemps. Après avoir causé de la pluie et du beau temps, matière fort intéressante pour un invalide, des spectacles que nous donne à l'Odéon, ce qui met en grande joie les paisibles habitants de l'hôtel, nous vîmes à parler musique. Mon ami m'apprit que plusieurs dames musiciennes étaient leurs commensales et que même quelques officiers pratiquaient cet art avec quelques distinctions. « Nous avons entre autres, ajouta-t-il, un de nos camarades qui possède un magnifique clavecin auquel il paraît tenir singulièrement et dont il touche fort souvent avec grand plaisir. » Sur ma demande, on m'introduisit chez l'amateur de cet instrument suranné. Il me fit remarquer tous les détails de son clavecin. J'admirais sa parfaite conservation, la laque noire brillante à filets d'or, et surtout les peintures qui me parurent d'un grand prix. Le vieil officier me pria de l'essayer, ce que je fis, et jugeant sans doute à ma figure que je n'étais pas très enthousiasmé du son peu harmonieux que font les bouts de plume en accrochant la corde. « Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il a un bien beau son ?» me dit-il. « Oui, repris-je, fort beau pour un clavecin, mais le plus mauvais piano vaut mieux que cela. « Ah, monsieur, me répondit-il, il n'y a pas de piano ou d'instrument au monde qui puisse me faire autant de plaisir que ce vieux clavecin. C'est que nous sommes presque du même âge et puis il me rappelle tant de souvenirs. » Et le bon vieillard paraissait attendri en me disant ces derniers mots. Ma curiosité fut vivement excitée, et je ne pus m'empêcher de lui exprimer le désir de l'avoir satisfaite. L'ancien officier accéda sans peine à ma demande, qui parut au contraire lui faire plaisir. Je prêtai l'oreille pendant que mon ami, qui probablement avait entendu l'histoire plus d'une fois, se hâtait de regagner sa chambre, bien convaincu qu'il serait encore obligé de la subir en plus d'une occasion. De même que les contes de fées commencent toujours par « il y avait une fois », de même les histoires de vieillards ne manquent jamais de débuter par « avant la République ». C'est en effet de cette manière que commença la narration. « Avant la République, monsieur, j'avais l'honneur d'être accordeur de la reine et des premières maisons de la cour. C'était alors une profession très lucrative. C'était une autre affaire d'accorder un grand clavecin dont les claviers avaient chacun des cordes différentes et dont plusieurs jeux avaient même des rangées de cordes respectives, que d'accorder vos misérables pianos à trois et à deux cordes. On dit même qu'on en fait maintenant à une corde, ce qui est le comble de l'absurde. Aussi, l'art de l'accordeur n'est plus qu'un métier, et voilà pourquoi tant de gens s'en mêlent. J'exerçais honorablement ma profession jusqu'à l'époque de la tourmente révolutionnaire. On a plaint bien des gens, monsieur, mais on n'a pas assez plaint les pauvres accordeurs. Tous nous abandonnaient en même temps, les grands seigneurs se sauvaient avec un dévouement rare. Il en est bien peu qui songeaient à s'acquitter avec nous avant leur départ. Ils comptaient tous revenir bientôt pour châtier cette canaille, comme ils l'appelaient. Mais la canaille saisissait leurs biens. Les enrichis achetaient bien les clavecins, mais c'était des meubles et non des instruments pour eux, et l'accordeur n'y avait jamais affaire. Je traînais péniblement mon existence jusqu'au 10 août. Cette fatale époque ne sortira jamais de ma mémoire. J'entendis dire qu'après le massacre des Suisses, le peuple s'était répandu dans le château des Tuileries et brisait tout ce qui se rencontrait sur son passage. Je voulus jeter un dernier coup d'œil sur ces appartements où j'avais été appelé si souvent avant qu'ils ne fussent dépouillés de leur magnificence. Je me rendis donc au château et je fus porté par la foule jusqu'à la chambre de la reine. Ah, monsieur, quel spectacle! Tout était saccagé, brisé, un seul objet était encore intact, c'était le clavecin. Mais un homme hideux était monté dessus, il haranguait la multitude, et autant que je pus entendre au milieu du tumulte, il proposait de jeter mon pauvre clavecin par la fenêtre. J'étais tout tremblant dans un coin, abîmé, anéanti. L'orateur saute en bas de son piédestal, 30 mains vigoureuses s'emparent de l'instrument, la queue est déjà hors du balcon. Il va aller faire un tour de jardin. Quand tout à coup, une voix jeune et claire se fait entendre « Arrêtez ! Arrêtez !» En s'arrêtant en effet, le clavecin reste suspendu sur le bord de l'abîme et l'orateur s'avance. C'est un tout jeune homme, en uniforme de garde nationale. Sa figure enjouée, franche et spirituelle en même temps, prévenait en sa faveur. « Citoyens, qu'allez-vous faire ? » leur dit-il. « Pourquoi briser cet instrument ? Ignorez-vous donc le pouvoir de la musique ? N'avez-vous pas souvent marché en entonnant la Marseillaise ? L'effet en serait encore plus merveilleux avec accompagnement. Au lieu de briser cet innocent instrument, laissez-moi vous régaler d'un petit air patriotique. » Cette courte harangue, débitée moitié sérieusement, moitié en riant, produisit un effet analogue sur l'assemblée. Quelques-uns hésitaient, d'autres persistaient dans leur projet de destruction. Mon jeune homme s'élança vers ceux qui tenaient la tête de l'instrument. « Ouvrez-moi cela !» dit-il d'un ton d'autorité. On obéit et sur le champ il leur joue la ritournelle de la Marseillaise que tous les spectateurs reprennent en chœur. Après le chant vient la danse, c'est dans l'ordre. Après la Marseillaise, il fallait jouer la Carmagnole, puis Ça ira, puis Madame Veto, etc. Tout cela me saignait le cœur, monsieur. La Carmagnole, sur le clavecin de la reine. Toute cette foule me faisait mal à voir. Quand on eut bien dansé, on ne songea plus à briser l'instrument. On se retira gaiement, si toutefois on peut nommer cette joie féroce de la gaieté. Et je me trouvai seul dans la chambre. Je m'approchai de mon cher clavecin, qui venait d'être si miraculeusement sauvé. Je voulus le purifier, et je me mis à jouer ce beau cœur d'Iphigénie de Gluck. Que de grâce, que de majesté, que la galanterie du public, quelques années auparavant, adressait toujours à la reine. À peine avais-je commencé les premières mesures, que je me sens arraché du clavier. C'était mon jeune garde national. « Êtes-vous fou ? » me dit-il. « Avez-vous envie de vous faire massacrer ? Il n'en faudrait pas tant !» Je me suis échappé à l'ovation de ces misérables. Je voulais voir s'il n'y aurait pas moyen de sauver cet instrument. « Vous êtes donc accordeur aussi ?» lui dis-je. « Pas le moins du monde. Je ne suis qu'un simple amateur, mais j'aurais été désolé de voir détruire inutilement un si beau meuble. » Il appelait cela un meuble. Enfin, n'importe. Il l'avait sauvé. C'était l'essentiel. Nous cherchâmes en vain les moyens de préserver plus longtemps mon pauvre clavecin. « Monsieur, me dit tout à coup le jeune homme, « je crains qu'il ne fasse pas longtemps bon pour vous en ces lieux. Grâce à mon uniforme, je ne crains rien. Mais vous n'avez pas un costume à l'ordre du jour. » Il avait raison, j'étais à peu près propre. « D'un moment à l'autre, vous pouvez être arrêté, suspecté, interrogé. Le mieux est de vous esquiver jusque chez vous. Le clavecin deviendra ce qu'il pourra. Songez d'abord à vous. » Il dit, me pousse hors de la chambre, ferme la porte et jette la clé par une fenêtre. « Monsieur, de grâce, lui dis-je, que je connaisse au moins le sauveur du clavier de la reine, votre nom. Singier, le vôtre ? Doubet, accordeur de la reine. » Il me ferme la bouche d'une main, me tend l'autre et s'esquive. Le lendemain de cette fatale journée, j'allais m'engager. La carrière des armes me fut plus favorable que ma première profession. J'obtins rapidement de l'avancement et j'étais parvenu au grade de chef de bataillon à l'époque de la Restauration. Je jugeais qu'il ne faisait pas meilleur pour les militaires en 1814 que pour les accordeurs en 1792. Je sollicitai ma retraite et j'obtins d'entrer aux Invalides. Le hasard me fit assister à la vente du mobilier de la reine Hortense. Jugez, monsieur, quelle fut ma joie en reconnaissant mon vieux compagnon, mon pauvre clavecin. Depuis que j'en ai fait l'acquisition, il m'a consolé de tous mes chagrins. Mais je me fais vieux. Que deviendra-t-il après moi ? Il n'a jamais habité que des palais ou des hôtels. Sera-t-il destiné à être dépecé et vendu pièce à pièce par un brocanteur ? C'est un cruel chagrin pour mes vieux jours. « Mais, monsieur, lui dis-je, n'avez-vous jamais revu votre jeune garde nationale ?»« Si fait, vraiment. Je l'ai retrouvé presque en même temps que mon clavecin. Nous étions partis du même point, mais nous avions choisi deux carrières bien différentes. Je me suis fait militaire, j'ai gagné les Invalides. Il s'est fait directeur de spectacle. Il y a gagné 40 000 livres de rente. Monsieur Saint-Gilles a peut-être, du reste, le seul directeur qui ait fait sa fortune en se faisant toujours aimer des administrés qui l'aidaient à s'enrichir. Vous voyez bien, monsieur, que mon clavecin porte le bonheur. » Ainsi s'achève le clavecin de Marie-Antoinette par Adolphe Adam.